Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, zone de non-droit, cour des miracles numériques, supermarché du crime, continent secret, autant de métaphores dont la presse raffole et qui désigne avec terreur et délectation une réalité aussi fascinante que fantasmée, le Darknet. Un abysse qui abriterait tout ce que la société ne peut tolérer. Drogue, pédopornographie, armes. L'imaginaire collectif rêve et cauchemar de Darkness comme un abîme dangereux, minoritaire et menaçant. Un coupe-gorge 2.0 où fricotent dealers, pervers et terroristes. Bref, Internet pas très net. Pourtant, le Darknet n'est pas seulement dark, ou pas vraiment dark d'ailleurs, car non seulement il est un médium privilégié pour la défense des droits de l'homme, qui protège notamment dissidents et journalistes, mais il favorise la création, la culture, la sociabilité et le partage. Des trafiquants de drogue à l'hégémonie de Google, de Snowden à la résistance syrienne, le Darknet est une mythologie incomprise, un malentendu étymologique. Notre invité aujourd'hui, Amaëlle Guitton, journaliste à Libération, notre partenaire. Elle est l'auteur du livre « Hacker, au cœur de la révolution numérique » publié en 2013. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Avant de se pencher sur la question de la moralité et de la dangerosité réelle ou supposée du Darknet, il convient d'interroger le terme lui-même. Car dans nos esprits inquiets, plusieurs notions aux sonorités anxiogènes se mêlent et se confondent. Darknet, mais aussi Dark Web et Deep Web. Or, ces trois appellations, toutes problématiques, ne sont pas interchangeables. Alors qu'elle suggère que derrière l'Internet clair et de surface se tapit un monde souterrain et repoussant à la fois dark et deep, elle renvoie à des réalités aussi nombreuses que variées. Pour comprendre les enjeux sous-tendus par ce qu'on appelle communément le Darknet, tentons d'établir un glossaire. Le Deep Web, d'abord. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous utilisez tous les jours ce terme. La toile profonde, en français, désigne l'ensemble du réseau qui n'est pas accessible via Google. Sont par exemple concernés vos comptes bancaires en ligne, les articles du Monde.fr, par exemple, accessibles aux seuls abonnés, vos albums photo Facebook privés, mais aussi tous les sites web qui ont choisi de ne pas être référencés par un moteur de recherche, notamment parce qu'ils ne sont pas destinés à être publics. Le Deep Web, c'est en réalité près de 90% des sites présents sur Internet. Oui, ce sont les sites Deep, car cachés sous la surface visible d'Internet, sans que caché ne signifie forcément dissimulé, encore moins illicite. Le Deep Web ne doit donc pas être confondu avec le Darknet, ou plutôt les Darknets. Officiellement traduit à tort par Internet clandestin, un Darknet est un tunnel virtuel, un moyen de transport permettant d'accéder au Deep Web, c'est-à-dire, on l'a vu, l'ensemble des sites non accessibles via Google. Il existe plusieurs Darknets qui constituent autant d'espèces de clubs privés auxquels on accède via des navigateurs comme Freenet ou Tor, le plus connu. Quant au Dark Web, il s'agit d'un néologisme à sensation utilisé par les médias et le monde politique et non d'une réalité effective. En résumé, il y a l'Internet que nous connaissons, celui que Google référence, un monde désormais connu de tous, que nous avons appris à comprendre, à parcourir, à utiliser. Et à côté, autour, il y a le Deep Web, tous les sites que Google ne référence pas. Et pour accéder au Deep Web, on peut utiliser des Darknets, des passages virtuels partagés par des groupes de personnes. Le tout est souvent désigné par le terme Dark Web, qui ne renvoie à rien de précis, si ce n'est un espace imaginaire menaçant. Dans le cadre de cette émission, nous nous concentrerons sur le Darknet, et le plus mainstream, le plus connu du grand public, celui qui est accessible via Tor, un logiciel conçu pour se protéger de la surveillance sur Internet. Si Tor peut se vanter aujourd'hui de compter des millions d'utilisateurs dans le monde, c'est notamment parce que le logiciel est facile d'accès, comme l'explique cet internaute sur YouTube. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entrer dans le Darknet ou dans le Deep Web, comme vous préférez. Donc pour y accéder, il va falloir aller sur votre navigateur. Lance-toi. Ensuite, vous allez sur Google et vous tapez Tor. T-O-R. Ensuite, vous allez sur le premier lien qui sera www.torproject.org. vous cliquez sur Download Tor, vous choisissez votre langue, donc français, vous cliquez sur Download, vous téléchargez. Donc ensuite, ça va vous lancer. Ça va vous lancer le navigateur de Tor. Ensuite, voilà. Après, là, vous êtes dans le Darknet. Ce mode d'emploi disponible sur YouTube n'est qu'un exemple parmi les dizaines de vidéos et sites internet qui expliquent comment accéder au Darknet. Car ce n'est pas un continent lointain ou enfoui, mais un chemin plutôt facilement empruntable, une porte qu'il suffit d'ouvrir. La clé la plus répandue, Tor, donc, permet en quelques clics précautionneux d'accéder à des sites cachés que Google ne connaît pas, mais aussi de naviguer sur le web de surface, celui que vous connaissez, de façon anonyme. Car Tor modifie constamment l'adresse IP de ses utilisateurs grâce à une multitude de relais à travers le monde qui font rebondir la connexion jusqu'à la rendre intraçable. Grâce à Tor, vous pouvez donc accéder au Darknet et à des sites indisponibles autrement, mais aussi préserver votre vie privée, votre anonymat face à Google et Facebook, par exemple. D'ailleurs, Tor n'est pas illégal, et le logiciel a même été créé par l'armée américaine qui en finance encore une partie du fonctionnement actuel. Voilà, Darknet, Deep Web, Darknet Tor, si vous n'êtes pas sûr de tout comprendre, c'est normal. La principale information à retenir est que le Darknet, terme imprécis que nous utiliserons par commodité de langage, n'est pas un lieu unique, souterrain, sombre et marginal. Le Darknet, en un mot commençant, ne doit pas faire peur. En 1969, Internet naît sous le nom d'ARPANET, un outil militaire imaginé par l'US Air Force. C'est un réseau décentralisé d'ordinateurs disposé dans quatre universités américaines, capable de continuer à fonctionner si l'une des machines est cassée. À l'époque, en pleine guerre froide, il s'agit notamment pour l'armée américaine de continuer à communiquer en cas d'attaque de l'URSS. Rapidement, ARPANET se répand notamment dans les universités et dans la sphère commerciale. En 1991, le World Wide Web, destiné au grand public, fait alors son apparition, prêt à bouleverser le monde. Au même moment, une poignée d'ingénieurs californiens, dont John Gilmore, l'universitaire américain David Chaum ou Timothy T. May, un ingénieur de chez Intel, s'érigent contre le gouvernement américain et sa tendance à surveiller les échanges électroniques. Ils défendent, eux, le droit à la vie privée, le respect de la liberté pour tous et l'anonymat en ligne, ce sont les cypherpunk. Don't trip, don't slip. Leur nom est une contraction de cyberpunk, un genre littéraire qui a donné naissance à Blade Runner de Philip K. Dick et de cipher, du verbe chiffrer en anglais. L'arme des cypherpunk face au gouvernement américain qui a créé Internet et entend bien le contrôler, c'est donc le chiffrage ou la cryptographie, autrement dit l'art de transformer un message clair en un message codé. Il s'agit pour eux de chiffrer les échanges sur Internet afin de se protéger du système centralisé et de la surveillance à outrance. À l'époque, George Bush Senior, puis Bill Clinton, considèrent tout logiciel de chiffrement comme une menace à la sécurité nationale. Les logiciels que développent les cypherpunks, ces activistes qui défendent la vie privée sur Internet, sont interdits à l'export par les gouvernements successifs, républicains comme démocrates. Au début des années 90, des affaires judiciaires comme le procès Bernstein ou Junger opposent des développeurs à l'État américain. Dans le manifeste crypto-anarchiste écrit en 1988, le cypherpunk Timothy T. May prophétise « Malgré les entraves des pouvoirs officiels, l'ère de l'anonymat arrivera. » Cypherpunk du monde. La technologie informatique est sur le point de fournir aux individus et aux groupes la possibilité de communiquer et d'interagir les uns avec les autres d'une manière totalement anonyme. Il sera possible pour deux personnes d'échanger des messages, de traiter des affaires et de négocier des contrats électroniques sans jamais connaître le vrai nom ou l'identité légale de l'autre. Ces évolutions altéreront complètement la nature des législations gouvernementales, la capacité à taxer et contrôler les interactions économiques, la capacité à garder l'information secrète. Au milieu de la décennie 90, la marine américaine commence justement à développer un logiciel permettant de naviguer anonymement sur Internet, comme le prévoient les cyberpunks. C'est Tor, The Onion Router. Pour l'US Navy, il s'agit de protéger ses propres communications. En 2004, le code source du logiciel rendu public par le laboratoire qu'il a conçu est récupéré par une association à but non lucratif, totalement indépendante de la marine américaine, The Tor Project. Des organismes officiels comme Human Rights Watch, l'Université de Cambridge ou encore Google contribuent alors financièrement au maintien et au développement de ce logiciel. Aujourd'hui, l'organisation est financée par des donateurs privés, mais également par des organismes parapublics comme l'US Department of State Bureau of Democracy. Le gouvernement américain a donc participé et participe encore au financement d'un logiciel incarnant l'idéal de l'anonymat, des connexions dont rêve le cypherpunk. Un logiciel qui donnera, on va le voir, bien du fil à retordre à ce même gouvernement. 1980, 1990, 2000, 2010, les décennies passent, tandis que le secteur privé étend son pouvoir sur la toile. Google, Facebook, ceux qu'on appelle les géants du web, déploient leurs tentacules sur les foyers. Internet se transforme et devient indispensable, inévitable. De 350 millions d'internautes en l'an 2000, on passe à plus de 2 milliards aujourd'hui. Parmi eux, 1 sur 7 utilise Facebook. Comme Google, l'entreprise américaine utilise et vend les données privées des utilisateurs pour raffiner ses services et améliorer le ciblage des publicités sur Internet. Mais tandis que le web prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, celle d'un réseau écrasé par l'hégémonie de Google et de ses services gratuits, YouTube, Gmail et autres Google Maps, les défenseurs de l'anonymat sur Internet continuent d'agir pour défendre notre vie privée. Et en 2013, une révélation inattendue va remettre leur combat sur le devant de la scène. Le lanceur d'alerte Edward Snowden dévoile la surveillance généralisée dont nous sommes tous l'objet. Il révèle que la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, espionne les communications numériques de millions de personnes dans le monde, en scannant leurs échanges sur des services en ligne tels que Facebook, Google ou YouTube. Une révélation comme dans le cas de WikiLeaks qui était facilitée par l'utilisation du Darknet, justement, et de Tor. The more I- Mais cette société de la surveillance globalisée, dont on voit se dessiner le contour à mesure que s'égrènent les révélations de Snowden, elle repose sur trois principes architecturaux majeurs. Un, la centralisation, l'hypercentralisation. C'est parce que Facebook, c'est tout de tout le monde que Facebook et Facebook est devenu la plus grande agence de renseignement privé du monde. Deux, les systèmes fermés. C'est parce que les Mac et les PC sous Windows ont des logiciels dont vous n'avez pas accès au code source, qui peuvent insérer des fonctionnalités malveillantes, laisser des portes dérobées pour la NSA, faire des installations à distance à votre insu qui permettent d'installer en ciblé des logiciels espions, etc. Et enfin, cette fausse impression de sécurité, du chiffrement, on vous dit, il y a un petit cadenas là, donc c'est bon, vous êtes en sécurité. Vous utilisez Skype, vous faites confiance à Microsoft, donc vous êtes en sécurité. De l'autre côté, il y a ces trois principes en miroir qui sont les services décentralisés, donc où chacun sait où sont ses données, car il sait où physiquement est située sa machine, les logiciels libres qui permettent à tout le monde de contrôler la machine plutôt que d'être contrôlé par elle, et le chiffrement point à point, dans lequel les individus gèrent leurs clés pour s'assurer que seulement entre individus qui gèrent leurs clés, les communications seront comprises. Et quand on regarde ces logiciels, que ce soit Tor, Freenet, GNUnet, ou tous ceux que je connais pas, qui servent à faire des soi-disant Darknet, ces logiciels ont tous en commun d'être des logiciels décentralisés, des logiciels libres, et d'offrir le chiffrement point à point. L'homme qui utilise ces termes techniques, c'est Jérémy Zimmermann, porte-parole et cofondateur de la Quadrature du Net, une association qui milite pour la défense d'un web libre et ouvert. Son propos est le suivant. Le Darknet, c'est de l'anti-surveillance. Avec d'autres militants, Jérémy Zimmermann considère même que le Darknet, c'est Internet, ou plutôt Internet moins le web public, celui qui est surveillé, justement, scanné, assujetti aux intérêts commerciaux et gouvernementaux. Et puis nous sommes surveillés alors, se demanderont certains. Après tout, qui n'enfreint pas la loi n'a rien à cacher. Un argument dangereux. Si nous n'avons personnellement rien à protéger, d'autres ont intérêt à préserver leur anonymat pour assurer notre propre liberté, nos droits. Par ailleurs, tout ce qui est surveillé et enregistré sur Internet, y compris ce qui semble le plus anodin, pourra être utilisé un jour. Si ce n'est aujourd'hui, peut-être demain. Personne ne peut prévoir quel sera le monde qui nous dirigera, ni comment. Alors, notre orientation sexuelle, nos idées politiques, nos fréquentations, notre vie professionnelle, autant d'informations qui potentiellement pourraient plus tard un jour, ici ou ailleurs, être préjudiciables. Les défenseurs de l'anonymat numérique tentent, sans être toujours écoutés, d'aiguiser notre conscience. Le monde tel qu'Orwell avait cauchemardé dans 1984 n'est pas si lointain du nôtre, finalement. Et si nous, Français, ne vivons pas dans une dictature orwellienne, d'autres n'ont pas cette chance. C'est pour ces raisons que des activistes, mots valise mélangeant hackers et activistes, développent des outils qui visent à remplacer ceux des gouvernements et des grandes entreprises afin de créer une terra nova, un monde où la liberté n'est pas un vain mot. Parmi ces outils légaux en France, les plus connus sont Tor, mais aussi les bitcoins, cette monnaie virtuelle qui permet d'effectuer des transactions anonymes, ou encore des services de messagerie cryptée comme Telegram. L'activiste Lunar, c'est un surnom, explique ainsi sur France Inter. Tor est utilisé par tout un tas de gens différents et c'est pour ça qu'il fonctionne, autant par des gens qui sont soucieux de protéger leur vie privée face au fichage publicitaire. Typiquement, aujourd'hui, quand on fait une recherche pour une paire de chaussures, pendant les 3 mois d'après, on aura des publicités pour des paires de chaussures. Bon, il y a des fois, c'est un peu intrusif. Quand on utilise Tor, on n'a pas ça. Il y a des journalistes qui ont envie de communiquer avec leurs sources tout en les protégeant d'une potentielle surveillance, de la même manière que des militants, des personnes qui se protègent de la pub, des avocats, etc. Parmi les journalistes évoqués par Lunar, certains travaillent dans des pays où la censure rend leur activité dangereuse. Ce sont eux que défend l'association Reporters sans frontières, qui fournit casques, gilets pare-balles aux journalistes qu'elle accompagne, mais aussi, depuis 2013, un kit de survie numérique comprenant des outils de chiffrage et de communication ainsi que le logiciel Tor. RSF conseille activement aux journalistes du monde entier de naviguer via ce Darknet pour protéger leurs sources et contourner la surveillance de régimes autoritaires. Journaliste, lanceur d'alerte, dissident politique, mais aussi simple citoyen, pour beaucoup, le net non crypté constitue une vraie menace. Dans certains pays, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Chine par exemple, le Darknet est un refuge vital où l'on peut s'exprimer, échanger et s'informer en toute sécurité. Un exemple, parmi tant d'autres, les activistes qui soutiennent les dissidents syriens, comme l'explique Amel Guiton, journaliste à Libération. C'est ils aident effectivement des gens qui sont dans des régimes politiques où les droits de l'homme servent plutôt à caler les armoires, à se protéger, à communiquer de manière anonyme pour pouvoir notamment faire sortir de l'information. Je pense par exemple au cas syrien, des cyberdissidents syriens qui veulent ou qui continuent à vouloir faire sortir par exemple des vidéos montrant les exactions du régime syrien, ont besoin toujours de ce type de réseau, bien sûr. Le Darknet, dernier refuge de la liberté d'expression contre la surveillance de masse, l'oppression et la censure, c'est une réalité dans des régimes autoritaires, mais aussi pour nos démocraties. À la suite des révélations d'Edward Snowden concernant les services de renseignement américains en 2013, le réseau Tor serait passé de 1 million à 3 millions d'utilisateurs avec un pic de 6 millions en septembre 2013. Autant de citoyens désireux de protéger leur vie privée, leurs idées, leurs droits, mais aussi parfois, et c'est là que le bât blesse, leur perversion et leur trafic. Il s'appelle Ross Ulbricht, il a 31 ans. Et à cet instant, il vient d'apprendre qu'il va passer le reste de sa vie en prison. Son crime ? Avoir créé le plus grand site de vente de drogue en ligne au monde. Héroïne, cocaïne, ecstasy, un supermarché de la drogue où les internautes payaient grâce à une monnaie virtuelle. Un anonymat garanti et un business très rentable, Ross Ulbricht a pu empocher 18 millions de dollars. Mais pour son avocat, il n'était pas le vrai cerveau du site. The fantasy is... Cette condamnation est disproportionnée. C'est une peine injuste et qui va bien au-delà des condamnations pour les trafiquants de drogue dans ce pays. En plus de la réclusion à perpétuité, Ross Ulbricht a été condamné à une amende de 183 millions de dollars. Silk Road, un site de commerce en ligne accessible via Tor, où les transactions se font anonymement via des monnaies virtuelles, a priori intraçables comme le Bitcoin. C'est le paradis des dealers et des consommateurs en ligne depuis 2011, sans cesse rouvert depuis, malgré l'arrestation de son créateur, Ross Ulbricht, en 2013. L'homme, un Texan d'une trentaine d'années, est un adepte du libertarianisme, un courant de pensée typiquement américain qui place la liberté au cœur du système économique, politique et des rapports sociaux. Dans les grandes lignes, Ulbricht croit au libéralisme économique à outrance, à la non-intervention de l'État et au droit de chacun de vivre comme il l'entend, tant que cela ne fait de mal à personne. La plateforme qu'il a créée, Silk Road, donc, est fondée sur des échanges anonymes, des transactions à distance et un système de notes semblable à celui d'Amazon. Cette route de la soie numérique est censée sécuriser les échanges en évitant les règlements de compte, les bagarres et le racket propre au trafic de drogue, tout en responsabilisant les vendeurs, encouragés à fournir aux acheteurs des produits de meilleure qualité et donc, en principe, moins dangereux. Sur son compte LinkedIn, Ross Ulbricht écrivait sans faire directement référence à Silk Road. Je vais utiliser l'économie théorique comme un moyen d'abolir l'usage de la coercition et de l'agression contre l'humanité. L'usage le plus répandu et systémique de la force est le fait des institutions et des gouvernements. Je focalise donc mes efforts sur cela. Cependant, le meilleur moyen de changer un gouvernement est de changer les esprits des gouvernés. Dans ce but, je suis en train de créer une simulation économique pour apporter aux gens une expérience de première main de ce que pourrait être un monde sans l'usage systémique de la force. Pour Ross Ulbricht et une partie des utilisateurs du site, Silk Road est le véhicule des idées libertariennes. Plus qu'une plateforme commerciale, c'est un mouvement politique. L'entrepreneur publie sur des textes philosophiques qui animent des débats économiques et promeut un état d'esprit communautaire qui est plus généralement celui du Darknet. Via des forums de discussion, le partage de connaissances et de réflexions est au cœur de Silk Road. Par ailleurs, Ross Ulbricht refuse d'être le leader principal du site. Rapidement, elle transmet ses responsabilités à d'autres utilisateurs, fondant ainsi une gouvernance décentralisée de la plateforme. Le créateur de cette route de la soie 2.0 y a interdit les biens volés, les armes, la pédopornographie et plus généralement tout ce qui peut nuire à des innocents. Mais parce que Silk Road n'est pas centralisé et parce que la liberté y est reine, Ross Ulbricht ne peut pas tout contrôler. Les idéaux de base dérapent et les motivations politiques sont bientôt rattrapées par la réalité des noirceurs du cœur humain. Car sur Silk Road, comme sur le Darknet dans son ensemble, l'offre ne s'arrête pas aux drogues, comme le raconte Hélène Chevalier sur France Inter. C'est devenu un vrai marché noir, on y trouve de tout, majoritairement de la drogue, mais il y a aussi de la pédopornographie, de la contrefaçon. François Paget fait de la recherche pour l'entreprise en sécurité informatique Intel Security. Il traîne sur le Darknet depuis quelques années et a constitué un petit répertoire d'adresses de sites très diversifiés. Vous avez ce qu'on appelle du carding, c'est-à-dire de la vente d'informations bancaires, des services. Là, ce site, c'est Rent a Hacker, c'est-à-dire louer un piratin informatique. Vous avez beaucoup de marketplace, c'est-à-dire de sites de vente de produits illicites, forgery, la contrefaçon de documents, un site qui vous vend des faux papiers. On peut aller voir un autre site. On dira pas le nom du site, mais effectivement, donc là, on est sur la page d'accueil où il y a... Sûrement du plastique. Plastique pour faire des... Pour faire des explosifs, des fusils mitrailleurs, à lunettes, à des prix entre 750 et 2500 dollars. Ce que François Paget n'explique pas, et qui a pourtant fait la réputation sulfureuse du Darknet, c'est la place qu'occupe la pédopornographie. Forums, streaming, photos, les pédophiles communiquent, échangent et consomment anonymement et, pense-t-il, impunément. Cela dit, les criminels du Darknet n'échappent pas tous à la justice. Après l'arrestation et la condamnation du fondateur de Silk Road, le baron de la drogue libertaire Ross Ulbricht en 2013, une autre opération a été couronnée de succès l'année suivante, l'opération Onimus, menée conjointement par le FBI et Europol dans près de 16 pays. Ainsi, le plus vaste coup de filet de la courte histoire du Darknet a abouti à la saisie d'une trentaine de sites cachés qui proposaient des contenus illicites et à l'arrestation de 17 personnes. Une opération et des méthodes sur lesquelles le FBI préfère rester discret mais qui prouve que la technologie n'est pas infaillible malgré les efforts constants des développeurs du logiciel Tor pour continuer à garantir l'anonymat des utilisateurs. Oui, la confidentialité des transmissions de données dans un Darknet présente des failles, bugs informatiques, maladresses de la part de l'utilisateur ou encore dénonciations. Sur le Darknet, les activistes et les dissidents politiques côtoient donc des criminels et des pervers qui peuvent eux-mêmes se heurter à la présence de policiers infiltrés, à la recherche de trafiquants de drogue, de pédophiles ou même de terroristes. En 1988, le cypherpunk Timothy May le prédisait déjà dans son manifeste. L'État essaiera bien sûr de ralentir ou d'arrêter la diffusion de cette technologie, en invoquant les nécessités de la sécurité nationale, l'utilisation de la technologie pour le trafic de drogue et l'évasion fiscale, et des craintes de désintégration sociétale. Bon nombre de ces motifs de préoccupation seront valides. La crypto-anarchie permettra de faire circuler librement les secrets nationaux et de vendre des matériels illicites ou volés. Un marché informatique anonyme rendra même possible de répugnants marchés d'assassinats et d'extorsions. Divers éléments étrangers et criminels seront des usagers actifs du CryptoNet. Mais cela n'arrêtera pas la diffusion de la crypto-anarchie. Debout, tu n'as rien d'autre à perdre que tes clôtures de barbelés. Vingt-cinq ans plus tard, au lendemain des attentats de Bruxelles en mars 2016, le ministre de l'Intérieur d'alors, Bernard Cazeneuve, accusait explicitement le Darknet d'être un outil du terrorisme. « Ceux qui nous frappent, expliquait-il, utilisent le Darknet et des messages chiffrés. » Le lendemain, lors d'un débat au Sénat, il insiste sur les usages criminels qui peuvent être faits des réseaux officieux de type Darknet et d'une manière générale, la partie d'Internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche classiques et où circule une masse importante d'informations émises par des organisations criminelles, y compris djihadistes, je cite l'ancien ministre de l'Intérieur. Des propos qui dénotent la méconnaissance de ce ministre, étant donné que dans les faits, tous les internautes émettent des informations sur cette partie d'Internet qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche classiques appelés Deep Web et non Dark Web. De plus, l'affirmation du ministre n'est pas étayée de preuves concrètes. Comme le montre une étude relayée par le New York Times quelques semaines après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Certes, les terroristes utilisent le Darknet et des messageries cryptées comme Telegram, mais aussi des méthodes traditionnelles, oui, tant pour leur communication en utilisant Facebook et des téléphones portables jetables, que pour leur propagande avec des parutions comme le magazine Dabiq, publié sur le web Standard. Par ailleurs, si les armes sont facilement accessibles sur le Darknet, elles le sont également dans le monde réel, notamment en Belgique, où elles sont vendues par les réseaux criminels des Balkans, réchappés des guerres en ex-Yougoslavie. Dans l'esprit de certains, à l'heure de l'état d'urgence, des lois sur la surveillance et sur l'antiterrorisme, le Darknet se vide de toute complexité réelle. Le journal officiel, le quotidien de l'État français en quelque sorte, publie en septembre 2017 des traductions officielles qui illustrent ces fantasmes. En français, Darknet devient ainsi Internet clandestin et Deep Web Abyss. Des partis pris étymologiques éloquents. Et tandis que David Cameron propose tout bonnement d'interdire le chiffrement en 2015, alors que les banques en ligne reposent sur cette technologie, les médias relaient en masse cette peur du Dark Web selon le terme communément et improprement employé. C'est ce qu'explique Olivier Tesquier, Xavier Delaporte, sur France Culture. On part quand même toujours un peu du principe que c'est d'abord une zone de non-droit dans laquelle il se passe éventuellement des choses positives. C'est rarement l'inverse. Ouais, on se rend compte que l'usage marginal tel qu'il est décrit dans les reportages ou dans les articles qui sont consacrés au sujet sont d'abord pour dire que c'est un lieu où on peut acheter de la drogue, des armes et un tas d'autres joyeusetés. Sinon, je le date à peu près effectivement de la même époque qu'Amael, c'est-à-dire avec tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de The Silk Road, en fait le double battage autour de The Silk Road et autour du Bitcoin, parce que le Bitcoin qui est donc cette monnaie virtuelle décentralisée et anonyme dont on reparlera j'imagine pendant l'émission, a été l'espèce de fenêtre médiatique, de point de rencontre entre cet internet commercial qu'on connaît tous les jours, sur lequel on navigue et qui, pour le coup, lui, est peut-être de moins en moins dark, et ce darknet plus ou moins fantasmé, et donc il a fait remonter à la surface un peu de cette façon-là. Il n'en reste pas moins que des criminels utilisent le Darknet pour vendre en bitcoins de la drogue et des armes. Oui, des pédophiles y partagent des contenus immondes. Oui, des terroristes peuvent y transiter. Car tant que la violence et la perversion existeront dans la société, violence et perversion il y aura sur le Darknet. D'ailleurs, sur cette toile, on ne tombe pas malgré soi sur des contenus pédophiles, sur des recettes de poison ou sur des traités néo-nazis. Non, il faut les chercher. Le Darknet, en tant que tel, n'est pas effrayant. On y achète de la drogue, mais aussi des médicaments de grands laboratoires à moindre prix pour ceux qui ne possèdent pas de couverture maladie. On peut y rencontrer des terroristes, c'est vrai, mais aussi des révolutionnaires syriens qui se battent contre Daesh. On y trouve aussi et surtout des contenus inoffensifs, utiles, voire beaux. Des livres, gratuits ou à l'achat, des sites d'information, des encyclopédies, des archives, des radios indépendantes, des documentaires, des forums de discussion surtout, et n'importe quoi parfois, des réseaux sociaux, des artistes, tout un amas de cultures et de communautés alternatives, marginales, non dominées par Google, Facebook, Apple ou Netflix, et qui ne font jamais les gros titres, écrasés par les fantasmes et les peurs qu'engendre le grand méchant Darknet. Who do you think you are, big shot? À l'image de certains quartiers et de certaines périphéries, le Darknet attise l'incompréhension et donc la crainte. À l'image de certains quartiers et de certaines périphéries, il souffre du regard méfiant que porte sur lui l'opinion publique, mais aussi d'une représentation sensationnaliste attisée par certains discours politiques et médiatiques qui entretiennent la confusion. À l'image de certains quartiers, de certaines périphéries, le Darknet pâtit des trafics criminels qui s'y tissent à l'abri des regards. Pourtant, comme ces quartiers, le Darknet n'est ni une menace, ni une marge, ni immuable. Car les technologies, comme les périphéries, ne sont ni mauvaises ni bonnes, elles ne sont que ce que l'on en fait. Marche-t-il à l'envers? te double sous le papier carbone. J'ai peur quand il rit, je pleure quand il jubile, et la sueur sur le front m'effraie. J'éteins les écrans, fermé les yeux, écoutez les enfants jouer. J'ai compté les passants, passer au feu, ignorer le téléphone. J'éteins les écrans, fermé les yeux, écoutez les enfants jouer. J'ai compté les passants, passer au feu, écoutez le vent siffler. Il lance des tirades, puis s'étend la fontaine. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Darknet avec notre invité Amel Guiton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération, notre partenaire. Vous êtes spécialiste des questions liées à Internet et vous avez écrit le livre intitulé « Hacker au cœur de la révolution numérique », ouvrage publié en 2013. Alors, il est de tradition, c'est bien la moindre des choses, que lorsqu'on s'exprime au micro, on comprenne ce qu'on dit. Là, faut avouer que c'est quand même un peu pointu et qu'il est parfois compliqué d'être simple quand il le faut. Alors, je vais simplement vous demander, vous, en quelques mots, comment vous définissez ce terme Darknet? Alors là, vous me posez une question qui est extrêmement compliquée parce que un informaticien pur fruit ou un expert en cryptographie aurait tendance à répondre le Darknet n'existe pas. C'est-à-dire que, comme vous le disiez d'ailleurs au début de l'émission, il n'y a pas un Darknet, mais des Darknets, c'est-à-dire des réseaux anonymes. Donc la question, c'est la manière de communiquer. Et en l'occurrence, effectivement, on parle de divers réseaux d'anonymisation. Là où c'est encore plus complexe, c'est que celui dont vous avez le plus parlé, qui est effectivement le plus connu, donc le réseau Tor, permet à la fois d'accéder au web classique, le site de France Inter, par exemple, en anonymisant sa connexion, ou d'accéder à des sites caché à l'intérieur même de Tor. Et donc, du coup, voilà, c'est là que ça complique les choses. Après, moi, j'ai tendance à trouver que la notion de Darknet, elle est intéressante, non pas en termes techniques, mais en termes politiques. C'est-à-dire que pour moi, le Darknet, c'est la zone d'opacité. C'est la zone de liberté ou d'opacité? Ou les deux? C'est compliqué parce que dire c'est la zone de liberté, ça serait l'opposé au web qui n'est pas anonyme, qui serait une zone d'oppression. Je pense que les choses sont plus complexes que ça. En revanche, oui, j'utilise à dessein le terme de zone d'opacité, tout simplement parce que quand on reprend l'histoire d'Internet et le fonctionnement même d'Internet, il a été conçu pour transmettre, pour que l'information circule le mieux possible. On appelait ça les autoroutes de l'information. Oui. Vous vous souvenez avant que ça arrive. Et donc, pour qu'une information arrive d'un point A à un point B, on donne beaucoup d'informations autour, notamment la localisation d'origine. Donc en fait, l'Internet, au départ, a été pensé comme quasiment totalement transparent. Et à l'époque, il y avait un certain nombre d'informaticiens qui eux-mêmes se disaient « Oula, ça veut dire que ça ouvre la porte à des écoutes de masse, de George la part Orwell, des États, quoi. etc. » Et c'était des gens qui se posaient ces questions-là dans les années 70. Et on se rend compte qu'en fait, on a rajouté petit à petit des couches de sécurité et d'opacité, de nouveaux protocoles, justement, pour permettre que tout ne soit pas à ciel ouvert et que on soit pas, entre guillemets, tout nu sur le net. C'est pour ça que quand je dis que le Darknet, c'est la zone d'opacité, c'est que pour moi, c'est la zone de l'anonymat et la zone de la cryptographie. Je le verrais plus comme ça. Alors, on peut passer par une image. Si c'était un lieu, Darknet, ça serait quoi? C'est compliqué. C'est la cave, c'est le jardin. C'est compliqué de le définir comme un lieu. Je dirais que c'est pour... Peut-être pour prendre une différence avec le monde physique, mais alors pour le coup, c'est vrai que ça donne une image assez violente. C'est, imaginons que ce soit tous les endroits où il n'y a pas de caméra de surveillance, par exemple. Il en reste dans ce monde. On peut se poser la question. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, effectivement, mais vous le disiez, il y a cette question aussi de l'image, du fantasme qui repose sur une part de réalité, hein, parce qu'il y a effectivement des usages illégaux. Mais c'est vrai qu'on ne prend jamais les choses à l'inverse en se disant comment on réagirait si dans notre quotidien, partout où on est, on laissait des traces, on pouvait écouter ce qu'on dit, etc. On trouverait ça probablement intolérable. Or, sur Internet, c'est grosso modo le fonctionnement par défaut. Et donc, moi j'envisage le Darknet comme l'inverse de ça, c'est-à-dire une manière de rétablir de l'opacité. Et de la vie privée. Et de se réapproprier ça, en fait. Oui. D'être oui. moins passif, finalement. C'est-à-dire aller sur la toile en se disant, la toile fera ce qu'elle veut, finalement, de moi et des informations que je peux égrener et je peux laisser. C'est ça? De toute façon, la plupart des gens qui utilisent notamment le réseau Tor pour anonymiser leur connexion le font parce qu'ils ont besoin d'anonymat. Et on peut avoir besoin d'anonymat pour des raisons extrêmement différentes, bonnes ou mauvaises, précisément. Mais il y a aussi de plus en plus de gens, et ça je pense que c'est aussi dans la foulée des révélations notamment d'Edward Snowden et de ce qu'on voit dans un certain nombre d'états de renforcement des arsenaux législatifs en termes de surveillance, il y a des gens qui vont utiliser Tor tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de laisser des traces de pas sur, entre guillemets, les autoroutes de l'information. Alors Tor, justement, le réseau le plus connu, hein, est-ce qu'on peut estimer le nombre d'utilisateurs aujourd'hui? On sait ça? Pour le coup, le Tor Project, qui est donc cet organisme à but non lucratif qui s'occupe du développement du réseau, publie des chiffres assez régulièrement. J'ai regardé là tout récemment, on est aux alentours de 3 millions d'utilisateurs quotidien, en gros, avec une majorité aux États-Unis. Et le deuxième pays qui arrive juste derrière, et je pense que c'est pas anodin, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire un pays où on a un très très très fort attachement à la vie privée. Est-ce qu'on va vers une utilisation de masse du Darknet, à votre avis, ou est-ce que ça va rester longtemps confidentiel? Ou toujours confidentiel, d'ailleurs? Alors, je pense que c'est moins confidentiel aujourd'hui que ça ne l'a été, notamment parce que la question de la surveillance numérique devient une question de société, un enjeu de débat public, etc. Je pense que ça reste encore d'un usage minoritaire, assez clairement, mais qui est plus effectivement tout à fait confidentiel. J'imagine pas un basculement. En revanche, ce que je constate, c'est que des fonctionnalités qui au départ était utilisé par le navigateur dont on se sert pour accéder au réseau Tor, le Tor Browser, sont petit à petit mises à profit par des navigateurs plus standards comme Firefox par exemple. On voit des sites, y compris de grands journaux, qui décident d'ouvrir aussi un site en version cachée, des choses comme ça. Donc en fait, c'est pas un basculement, mais c'est plus que le fossé entre l'internet transparent et l'internet non transparent petit à petit se comble avec de plus en plus de zones de gris, je dirais. Vous parliez des journaux avec leur site. Le 27 octobre dernier, le quotidien américain The New York Times publiait cette annonce sur son site internet. Écoutez. Le New York Times rapporte des histoires du monde entier et nos reportages sont lus par des gens sur toute la planète. Nous mettons tout en œuvre pour fournir un journalisme indépendant, de qualité, et notre équipe d'ingénieurs s'engage à faire en sorte que les lecteurs puissent accéder à notre journal en toute sécurité. C'est pourquoi nous avons voulu améliorer l'expérience de nos lecteurs en rendant notre site newyorktimes.com accessible via un tunnel spécial, sécurisé et difficile à bloquer via le réseau Tor. L'adresse de notre service est https://www.newyorktimes.com/3xbfgrah.com. oignon/. Cette adresse est accessible uniquement via le réseau Tor, en utilisant un logiciel spécial tel que le navigateur Tor. De tels outils assurent l'accès de tous nos lecteurs à notre site web, sans blocage et en toute sécurité. J'ai rarement vu l'intitulé d'un site internet aussi compliqué. Qu'est-ce que ça vous... C'est toujours des adresses assez complexes parce qu'elles sont générées de manière aléatoire. Et donc, voilà, ça donne des choses comme ça. Ouais. Bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre? Bah, je trouve ça intéressant parce que, alors, c'est pas les premiers à le faire. Hein. Mmh. Facebook l'a fait, notamment. Mmh. C'est le New York Times, donc ça a une dimension. Le jour où ça a été Facebook, je peux vous dire que dans la communauté des geeks, entre guillemets, ça a provoqué à la fois de l'intérêt et énormément de perplexité, c'est-à-dire que le réseau sur lequel on laisse le plus de données personnelles, et qui est d'ailleurs le plus gourmand en données personnelles, et qui apparaît comme le plus opposé justement à la défense de la vie privée, tout à coup mettait en place un outil qui permettait une connexion sécurisée et précisément très robuste à ses utilisateurs. Le fait que ça soit le New York Times, ça révèle à la fois, je pense, un changement d'image du réseau Tor lui-même, c'est-à-dire que on n'est plus exactement... C'est un label de qualité que lui donne New York Times. Hein, oui, d'une certaine manière, c'est effectivement un label, c'est une manière de dire cet outil ne sert pas qu'à des usages illégaux, mais sert à combattre la censure, à combattre la surveillance, raison pour laquelle d'ailleurs, il y a toujours beaucoup de gens qui s'étonnent que la majorité du financement du réseau Tor provienne du gouvernement américain. Bon, il se trouve que le gouvernement américain donne des sous à Tor parce que c'est un outil de lutte. À Tor, sans jeu de mots. Tor, ouais, parce que c'est un outil de lutte contre la censure et à l'intérieur même de l'administration américaine, tout le monde n'est pas d'accord sur ce genre de choses. Mais c'est l'administration américaine, c'est compliqué, c'est comme à peu près partout. Mais donc tout ça pour dire que effectivement, on n'est plus dans ce moment où Tor était uniquement présenté comme un outil utilisé par des vendeurs de drogue, par des réseaux pédophiles, etc. Il y a eu quand même une vraie évolution en termes d'image et on est dans un moment où on se rend compte que oui, effectivement, ça peut aussi être utile pour protéger des communications de dissidents dans des pays au régime extrêmement répressif, etc. Ouais. Alors justement, concernant les reporters, ça c'est très intéressant. On l'a dit, un reporter sans frontières, justement, a cet outil-là pour protéger les journalistes qui vont dans des pays où ils ne sont pas, protéger aussi les journalistes des pays en question. Est-ce qu'on pourrait dire que le Darknet, c'est aussi une part de l'avenir du journalisme? C'est pas tout l'avenir du journalisme, évidemment, mais ça y contribue. Bah, je pense que ça fait partie aujourd'hui d'une panoplie d'outils, tout simplement parce que les journalistes sont tenus non seulement par droit, mais aussi par devoir à la protection de leurs sources, et ont donc un devoir à protéger leur communication. Or, on s'est rendu compte avec tout un tas d'affaires, hein, y compris jusqu'à l'usage du téléphone. Vous vous souvenez évidemment de l'histoire des fadettes du Monde. On s'est rendu compte à ce moment-là que quand on téléphone à une source depuis son téléphone portable, ça laisse une trace. Et donc sur Internet, c'est exactement le même genre de problématique. Donc oui, ce type d'outil rentre dans la panoplie des journalistes qui notamment travaillent sur des sujets sensibles et ont un besoin de confidentialité. Ça permet aussi tout simplement de protéger son travail. Moi, j'avais vu passer le cas sur un forum d'un média qui enquêtait, d'un média américain qui enquêtait sur une entreprise, et l'entreprise s'était rendu compte que il y avait X connexions sur son site le même jour qui provenaient d'adresse IP justement rattachée à ce média. Donc ils se sont évidemment dit qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place les concernant, et donc ils ont sorti le plan ORSEC de la communication de crise. Donc si on veut protéger son travail aussi, pas seulement ses sources mais aussi son travail, on a besoin d'anonymat. Donc c'est pas l'avenir du journalisme, mais je pense que ça rentre petit à petit dans les outils des journalistes qui font de l'enquête, de l'investigation ou qui travaillent effectivement sur des terrains particulièrement risqué. Si on parlait des contenus, qu'est-ce qu'on... Alors on a dit un peu, on l'a dit même pas mal pendant le récit, ce qu'on peut y trouver, mais qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur les contenus du Dark Web, si on y va, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, c'est là encore, il faut faire la distinction entre un usage de Tor qui est à des fins uniquement d'anonymat et de contournement de la censure pour accéder au web classique, d'accord. Le site de France Inter, le site de Libé, etc. Parce que là, bon, pour le coup, ça n'est jamais qu'un réseau d'anonymisation. Et ce qu'on appelle donc les sites cachés, qui ne sont accessibles qu'à travers Tor. Et ben là, pour le coup, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout, c'est-à-dire il y a des choses très clairement illégales, dont il est parfois compliqué d'ailleurs de savoir jusqu'à quel point c'est vrai. Enfin, le cas de Silk Road donc, dont vous parliez, là on a effectivement un cas documenté d'un usage illégal et de quelqu'un pour qui de par drogue. Ailleurs s'est fait effectivement pincer avec un procès qui a été effectivement long et très médiatisé. Après on trouve aussi des sites, je sais pas, de tueurs à gages par exemple, on peut toujours se demander s'il n'y a pas aussi une grande part d'escroquerie là-dedans. Et puis, à côté de ça, on va trouver le site du New York Times, on va trouver les plateformes de transmission de documents confidentiels mises en place, par exemple, par The Intercept ou le Washington Post, parce que c'est effectivement un outil qui permet à un lanceur d'alerte de transmettre des documents de manière parfaitement anonyme. On va y trouver des tas de forums divers et variés. Enfin, j'aurais tendance à penser que ça n'est jamais finalement qu'à l'image de l'humanité. Oui, c'est ce qu'on disait à la fin d'ailleurs, du récit. On va parler d'un autre aspect des Darknet et des artistes qui l'utilisent comme base pour leur travail. Ils sont de plus en plus nombreux. Et parmi eux, le collectif Medium Group Beatnik qui a créé le Random Darknet Shopper, un robot qui fait des achats de façon aléatoire sur le Darknet. Alors parmi les commandes passées et reçues, des paquets de cigarettes, une carte de crédit, de l'Ecstasy, des baskets Nike, mais aussi des achats plus surprenants, comme l'explique Carmen Weisskopf pour Arte. C'est un recueil du Seigneur des Anneaux sous forme de livres numériques que notre random shopper a acheté sur le Darknet pour seulement 99 centimes d'euros. On trouve ça mignon d'acheter aussi des choses à lire sur ce genre de réseau. De plus en plus d'artistes travaillent sur le Darknet, dit-on. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Bah, je pense que ça veut dire que c'est un sujet qui est devenu presque mainstream, finalement. Enfin, ou en tout cas, qui n'est plus complètement dans les marges. Ce qui me paraît, à vrai dire, totalement logique, parce que ce type d'outil au début est utilisé par des gens qui ont un besoin effectivement très fort d'anonymat. Donc on le disait, hein, ça peut être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais c'est pas forcément le très grand public. Et puis à mesure qu'on... plus on prend la mesure effectivement de l'étendue de la surveillance numérique, plus ça devient un débat politique extrêmement tendu. Hein, vous le rappeliez, il y a eu des interventions du ministre de, enfin à l'époque Bernard Cazeneuve quand il était ministre de l'Intérieur intervenait sur ce sujet assez régulièrement parce qu'il y avait il y a toujours un vrai conflit sur la question sur les questions d'anonymat et de cryptographie. Donc plus c'est travaillé politiquement et effectivement plus les artistes s'en emparent. Est-ce que ça veut dire que le Darknet se gentrifie, qu'il devient un espace bobo ? J'irai quand même pas jusque-là, mais probablement que il y a de plus en plus de gens en tout cas qui s'y intéressent et oui, ça n'est plus confidentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire aux internautes qui pensent à tort ou à raison que aller sur le Darknet, c'est se positionner comme quelqu'un qui serait un peu en marge et que si on fait des recherches sur nous, le fait d'y aller serait une circonstance aggravante. La peur qui peut exister autour de ça en 30 secondes. Bah, 45 même. Vous avez fait de la radio, vous m'avez dit, donc c'est vous savez. Oui, tout à fait. Mais c'est que plus il y aura de gens qui utiliseront ces outils d'anonymisation et de cryptographie, et moins ça apparaîtra suspect, peut-être, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Est-ce qu'il faut vraiment ? Est-ce qu'il y a une nécessité impérieuse de dire aux gens allez-y, profitez de tout ce que la toile propose, ou est-ce qu'on peut très très bien vivre en tant qu'internaute moyen sans jamais aller sur le Darknet ? Est-ce qu'on loupe quelque chose ? Est-ce qu'on loupe quelque chose ? Peut-être pas, mais en tout cas, il faut quand même qu'on s'interroge sur la nécessité de préserver ces outils pour des gens qui en ont un très fort besoin. Et effectivement, les gens qui vivent dans des régimes extrêmement extrêmement répressifs ont extrêmement besoin de ce type d'outils. Et d'ailleurs, c'est rappelé régulièrement, y compris par les Nations Unies, par exemple. Merci infiniment, Amel Guiton, journaliste à Libération. Je rappelle le titre du livre que vous avez publié en 2013, « Hacker, au cœur de la révolution numérique ». Merci, au revoir. C'était donc Affaires Sensibles, aujourd'hui le Dark Web, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bizikian qui était à la technique aujourd'hui.